S'alimenter à partir de la canalisation de la vibration. Voilà ce que je trouve le plus pertinent de faire. C'est sûr que par rapport à l'enregistrement présent, comme l'ensemble du matériel que je rends disponible au public sur Internet, ce qui est important de faire, là, c'est pas croire ce que je dis. C'est de vérifier par vous-même si cela est réel ou non. Mais par rapport à l'alimentation, j'en suis venu au point que c'est de suivre la direction qui va émerger à l'intérieur de moi par rapport à ce que j'ai à manger une journée particulière. Puis la vibration va donner une direction ponctuelle en fonction de qu'est-ce que la personne a à s'alimenter compte tenu de l'événement auquel elle va être confrontée dans sa vie de tous les jours. Dans le sens qu'à un moment donné, ça peut me dire intérieurement de manger davantage de fruits. À un autre moment donné, manger plus de protéines. À un autre moment donné, ça peut me dire intérieurement de pratiquer un jeûne intermittent, sauter par exemple un repas. Ça peut me dire différentes choses. L'idée, c'est d'être capable d'écouter qu'est-ce que ça nous dit intérieurement. On peut confronter la source de la pensée qui nous amène à diriger notre alimentation dans certaines directions pour regarder si c'est réel ou non. Donc, on peut faire une lecture vibratoire. On peut canaliser en utilisant, entre autres, les crayons, en faisant des barres de gauche à droite, comme je le fais présentement pendant que je vous parle, pour voir qu'est-ce que ça vibre. Qu'est-ce que ça vibre intérieurement par rapport à ce qu'on a s'alimenter. Bien entendu, si on développe une conscience vibratoire, bien, au premier balbutiement de son émergence en nous, alors qu'elle est embryonnaire, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir de la désinformation parce que on commence à travailler avec elle. Si on commence à travailler avec la source, c'est-à-dire avec notre contact dans l'invisible, c'est-à-dire notre esprit, bien à ce moment-là, il peut y avoir des interférences astrales qui se glissent entre lui et nous. Donc, autrement dit, il y a une dépollution psychique en relation avec le conditionnement social auquel on a été exposé depuis notre enfance qui doit se faire. Parce que tant aussi longtemps qu'on est soumis à des lois d'impression, on est soumis à des formes qui proviennent de notre environnement, à des conditionnements sociaux, ces formes auxquelles on donne de la valeur, de l'autorité, font en sorte qu'on est voilé dans notre contact avec l'esprit. Parce que plus qu'on donne l'autorité à des paramètres extérieurs à nous, et moins on se donne l'autorité d'être en contact avec notre intériorité pour savoir qu'est-ce qui est réel. Parce que tant que notre attention est centrée sur l'extérieur de nous, notre environnement, elle ne peut pas être simultanément centrée sur notre intériorité. Donc, c'est un ou c'est l'autre. Puis plus qu'on est centré sur l'extériorité, moins on peut être en contact avec les signaux internes qui vont nous amener une direction intelligente par rapport à la manière dont nous sommes appelés à nous alimenter pour respecter notre individualité et favoriser son actualisation à travers la santé du corps biologique qui abrite notre conscience. Donc, autrement dit, plus qu'on s'individualise et plus on a à apprendre à être en contact avec notre source, à être capable de la canaliser intelligemment pour avoir une direction claire sur la manière de s'alimenter. Puis plus qu'on fait ça, bien plus que ça peut favoriser notre santé, advenant que la source nous achemine de l'information en ce sens. Et aussi, il peut y avoir un mouvement de la source vers l'être humain, mais il peut y avoir un mouvement de l'être humain vers la source qui va contester la source, qui va la tester et qui va affirmer son besoin. Donc l'être humain peut affirmer son besoin, la source est en santé sur le plan physique pour pouvoir accomplir ce qu'il doit compte tenu de sa durée de vie sur le plan terrestre. Et à ce moment-là, l'être humain doit en venir à un point à obtenir l'information de sa source de qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est sain en termes d'aliments, de manger dans la vie de tous les jours. Et c'est sûr que pour arriver à ce point-là, la personne peut se mettre dans une vibration de contestation, donc le volet actif, pour aller chercher l'information nécessaire à ce qu'il ait une qualité d'alimentation individualisée qui va répondre à ses besoins nutritifs. Puis le mouvement inverse existe aussi. La personne peut être dans un mouvement d'ouverture, de passivité, dans un état de méditation et de réceptivité à son intériorité et de recevoir de l'intérieur de lui, ça va émerger dans sa psyché, des informations sur comment il doit s'alimenter, mais si l'information ne vient pas à lui, et c'est lui qui doit venir à l'information, et à ce moment-là, il doit aller la chercher par rapport à sa source. Donc, c'est sûr que la source peut spontanément lui acheminer des informations, mais si c'est le silence radio, c'est-à-dire qu'intérieurement, ça ne lui donne aucune direction spontanée par rapport à la manière qu'il doit s'alimenter, c'est lui qui doit se mettre en action et utiliser la puissance de sa volonté individualisée grandissante à mesure qu'il intègre le processus de la fusion pour aller chercher à l'invisible l'information dont il a besoin pour s'alimenter d'une manière adéquate et être cohérent sur le plan mental et être dans une bonne santé physique. Donc, c'est la façon que je vois ça. Donc, s'alimenter à partir de la vibration, c'est la personne qui peut poser la question à l'esprit. Si tu es intelligent, là, de manger à soir des groustilles, des chips, si tu es intelligent d'aller boire une bière, puis là, regarde qu'est-ce que ça dit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on travaille avec l'esprit, on travaille au-delà des modes alimentaires, au-delà des morales, au-delà de qu'est-ce qui a été établi par des diététiciens sur le plan alimentaire. S'alimenter en suivant la vibration, c'est souvent ce que les gens vont en venir. C'est où ce que j'en suis en venu? Je ne sais pas si les gens vont tout en venir là. Là, ça leur appartient. C'est pas de mes affaires. Vous voyez, ça, je me réajuste. Mais dans mon cas, dans le passé, je prenais au sérieux. Entre autres au Canada, parce que je suis Canadien. On a le Guide alimentaire canadien, qui est une autorité ici en matière d'alimentation. C'est un guide, c'est une référence en termes de pays. Au niveau culturel, sur ce que les Canadiens, donc les gens qui résident au Canada, doivent manger. Et ce qui est particulier, c'est que ça fluctue beaucoup dans le temps. Donc, c'est un guide qui existe depuis les années 40 et il y a plusieurs versions qui sont apparues. Et à un moment donné, bien, il y a des changements. Comme là, en 2019, il y a une version qui a sorti qui nous annonce qu'il faut moins consommer de produits laitiers, comme du lait et du fromage, consommer davantage de protéines végétales, mais moins de viande, puis plus de fruits. Donc, si le guide alimentaire canadien, qui est un outil de référence en matière d'alimentation, change avec le temps, c'est parce qu'à quelque part, cette forme-là manque d'ajustement. Donc, s'il y en a une version dans les années 40, un autre un peu plus tard dans les années 90, puis là, en 2019, il y en a une autre version, ben c'est parce que, à quelque part, c'est une forme qui est en ajustement perpétuel. C'est intéressant que ça évolue, parce qu'après tout, si ça serait une forme qui serait figée dans le temps, alors que les individus changent, ben il y aurait une inadéquation croissante entre le guide alimentaire canadien et les besoins des Canadiens qui évoluent dans le temps. Donc, il y aurait un décalage qui s'installerait là-dedans, puis si ça serait un livre là, vraiment très statique, bien, plus que les années, les siècles passeraient, puis plus qu'il y aurait un décalage par rapport aux besoins de la population. Donc, c'est intéressant que ça évolue, mais en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est que quelqu'un qui suit ça à lettre, puis prend ça au sérieux, le guide alimentaire canadien, il va se soumettre à un agenda qui implique des forces collectives, qui peuvent être très bien intentionnés pour favoriser la santé globale des Canadiens, mais ces forces-là s'adressent aux masses et non pas aux besoins individuels. Parce qu'après tout, si quelqu'un, par exemple, est malade, ben, ça se peut qu'il ait modifié son alimentation compte tenu de la nature de la maladie. Par la suite, c'est sûr que si la personne s'entraîne pour devenir une athlète, ben, ça se peut qu'elle aille, par exemple, à consommer davantage de certains aliments plutôt que d'autres, compte tenu de la demande énergétique à avoir dans son quotidien. Donc, il y a des ajustements individuels que le guide ne prendra pas en considération, compte tenu des situations particulières. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ce qui est le plus approprié par rapport aux besoins d'un individu particulier, c'est ce qu'il peut capter à partir de sa source qui va lui donner une mesure vibratoire sur le plan individuel de qu'est-ce qu'il a besoin de consommer sur le plan d'alimentation. C'est sûr que si la personne n'est pas capable d'avoir accès à la source, c'est intelligent de tenir compte des guides alimentaires par rapport au pays ou aux endroits que les gens se situent pour avoir une mesure extérieure de c'est quoi que la personne a besoin pour fonctionner dans la vie de tous les jours, à défaut d'avoir un contact intériorisé avec sa source qui lui en donne une indication. Donc, le guide alimentaire canadien, pour moi, c'est mieux que rien. Par contre, éventuellement, l'être humain doit être autonome dans l'accès à ce qu'il a à consommer. Donc, il doit en avoir la vibration. C'est quoi les aliments qui sont appropriés pour lui ou qui ne le sont pas? Parce qu'on peut passer sa vie à étudier l'alimentation, mais rester en décalage avec soi-même parce qu'on le fait d'une manière intellectuellement plutôt que d'une manière intégrale en fonction de toutes les composantes de notre être. Donc, si on fait juste étudier l'alimentation avec l'intellect, puis on va sur des sites Internet, puis on écoute des vidéos sur YouTube, sur le jeûne intermittent, sur le végétarisme, sur, par la suite, les gens qui sont végétaliens, les gens qui sont crudivores, on peut passer sa vie à aller explorer de l'information. Mais éventuellement, il faut être capable d'évaluer par soi-même c'est quoi qui est pertinent ou non par rapport à soi, puis de regarder qu'est-ce qu'on vit par rapport à ces vidéos-là. Puis ultimement, on n'avait même pas besoin d'écouter des vidéos ou d'aller voir des articles sur Internet. On a juste à écouter sa sensibilité, poser la question, bon, ben, c'est quoi que j'ai à manger aujourd'hui? Puis ça va donner une réponse intérieurement. Aujourd'hui, tu as mangé léger, journée tranquille. Ou, ah, tu as mangé plus de protéines parce que tu vas être confronté à l'adversité puis ça te prend plus ce type d'éléments dans ton organisme. Donc, ça peut nous donner des réponses par rapport à ce qu'on a à manger spécifiquement par rapport à une journée. Puis ça peut réajuster aussi la source de notre alimentation, non seulement dans la vie de tous les jours, mais dans notre rapport aux fêtes, que ce soit le temps des fêtes, que ce soit Noël, que ce soit pour la fête de Pâques ou peu importe, dépendant de ce que vous célébrez ou non. Mais la source va donner une indication alimentaire individualisée. Dans ce que le guide alimentaire canadien, ça ne sera pas à l'individualité que ça va s'adresser, mais au collectif. Donc, sur le plan collectif, ils vont trouver des moyennes, des généralités en fonction de recherches, d'études scientifiques, de conseils de nutritionnistes, et ainsi de suite. Puis ils vont en faire une synthèse au niveau de l'intellect pour comment que les masses devraient s'alimenter compte tenu des informations qu'ils disposent. Sauf que ça se développe avec le temps. Ce qui fait que le guide alimentaire canadien actuel peut être démodé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Puis plus qu'on avance dans le temps, puis plus qu'il y a de la recherche scientifique qui se fait, plus qu'une accélération de l'accès à la connaissance en relation avec le développement des nouvelles technologies. Donc, puis la mondialisation fait en sorte que des gens d'un peu partout peuvent mettre en commun des recherches sur l'alimentation, puis ont accès de plus en plus à une grande quantité d'informations. Puis plus que l'information progresse, et plus qu'à ce moment-là, elle devient rapidement démodée, et plus qu'elle devient rapidement démodée, et plus que de l'introduction de nouvelles formes, puis à un moment donné, ça ne suit plus vraiment. Tu sais, s'il y a tout le temps des nouvelles versions qui arrivent de plus en plus rapidement, à un moment donné, l'être humain a une capacité limitée d'intégration d'informations qui proviennent de son environnement. Tu sais, si la personne est obligée de lire des documents de plusieurs pages sur comment s'alimenter, comment faire ci, comment faire ça, puis ça ne finit plus, bien, à un moment donné, la personne peut en avoir un ras-le-bol. Puis là, ça devient intéressant. Parce que la personne n'a d'autre choix que de scier sur elle-même pour s'alimenter. Quand la personne n'est pas saturée de se faire remplir d'informations, puis elle a la soif de connaissances, puis la faim de connaissances, que ce soit en matière d'alimentation ou autre chose, elle va se faire remplir, puis elle va aimer ça. Elle est comme un papier surtout qui va éponger des éléments qui proviennent de son environnement, puis elle va absorber, tel site internet dit telle affaire, puis tel autre site dit telle affaire, puis tel documentaire telle affaire, puis telle personne me dit telle affaire, puis tel ci, puis tel ça. Puis là, à un moment donné, avec le temps, elle va saturer, puis elle va être obligée de se fier elle-même, mais c'est sûr qu'à la base, ça peut lui dire intérieurement, puis elle peut avoir fondamentalement l'intuition, écoute-toi, mais elle n'écoute pas. Elle dit « Ah non, je vais aller voir les livres, je vais aller voir Internet. » Puis après avoir regardé sur des livres, sur Internet, pendant 20 ans, pendant 30 ans, en cherchant une réponse absolue à son besoin individuel à travers le collectif, c'est assez paradoxal, hein? Tu tournes vers le groupe pour répondre à un besoin individuel. C'est comme quelqu'un qui se tourne vers le guide alimentaire canadien qui s'adresse à la masse pour répondre à son besoin individuel en matière d'alimentation. Il y a un décalage entre les deux. T'en as un qui s'adresse au collectif, puis l'autre, il veut quelque chose de personnalisé. On voit déjà là qu'il y a une discordance entre les deux. En tout cas, c'est ma perception qui est évidente. Mais ce que je voulais en venir, c'est qu'à la base, ça peut lui dire intérieurement, écoute-toi donc, puis tu vas voir tes explications en matière d'alimentation. Personne ne peut capter ça de ta source. Puis comme elle est orgueilleuse, elle dit, je vais aller lire tel livre, Puis finalement, elle livre un paquet de livres, puis elle se rend compte qu'elle n'est pas plus avancée. Parce que dans les livres, les documents, les sites web, il y a des informations contradictoires sur l'alimentation. Ce qui fait que tôt ou tard, elle est ramenée à elle-même pour évaluer la teneur de réalité dans la vibration qui se dégage des informations. Puis elle doit trancher par elle-même. Donc, soit on peut passer par un paquet de lectures puis un paquet de documents, ou soit on va directement droit au but. Puis là, on peut canaliser sur qu'est-ce que j'ai à manger ou pas à manger, puis individualiser son alimentation. Donc, c'est le point où j'en suis. Là, j'ai écouté beaucoup de choses là, sur Internet, sur l'alimentation. Puis là, je suis comme tanné. Puis là, ça me dit intérieurement, « Ah, tu commences à être intelligent. » Parce que tu commences à avoir saturé de l'accumulation de formes. Fait que là, tu as commencé à vibrer. Fait que c'est particulier. Mais bon, c'est là où j'en suis. Puis ce que je voulais vous partager. Donc, après avoir étudié plusieurs choses, ben, j'en suis revenu au point que faut que je fonctionne au-delà de l'étude, puis de la recherche, puis de la quête intellectuelle. Donc, c'est ce qui complète l'enregistrement présent, qui aura servi à alimenter cette capsule d'aujourd'hui, donc qui portait sur l'alimentation. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.